On voit bien en tout cas Guillermo Guise, même si parfois on n'ose pas se l'avouer, que la sexualité est un élément central dans la relation amoureuse, dans la vie de couple. C'est trop mignon. Il fait peur. Hein. Ouais, clairvoyance, fil de pêche, féculent d'origine incertaine. Tels sont les mots qui résonnent à mes oreilles quand je vous entends, Monsieur Guy. Au nom de toutes les femmes de France Inter qui militent pour que vous les laissiez tranquilles. Au nom de Mathieu Gallet qui aimerait pouvoir consacrer son temps à autre chose qu'à répondre aux plaintes qui vous concernent. Je vous dis merci. Merci de nous abreuver de ces paroles réconfortantes. Mal formulées. Hein, on ne se refait pas, mais réconfortante. À la sexualité, sexualité, quel terme universel, la sève de la sève, le sang de mon sang, l'origine de toute chose. Après, moi je suis dans une relation stable, donc ça fait un moment que j'ai pas eu de relation sexuelle. Je suis ça d'un peu loin, avec le recul des sages. Mais de toute façon, moi je suis trop décevant au lit, quoi. Quand j'étais ado, j'étais persuadé que je serais l'avenir de la pornographie et tout. Mais là, je suis à Rocco Siffredi, ce que Tony Verrel est à David Beckham, plus ou moins. On vieillit, quoi. Voilà, la dernière fois que j'ai essayé de faire une levrette, j'ai eu un souffle au cœur. Je dis pas ça uniquement pour jouer la connivence avec vous, monsieur Guy. La connivence du déclin, c'est des gens qui ont l'essentiel de leur sexualité derrière eux et sursexté pour ce qui vous concerne. Je le dis parce que je n'ai jamais été aussi serein depuis que j'ai arrêté de faire l'amour. Vraiment, je peux prendre du temps pour moi. Aujourd'hui, c'est 9 minutes. Je m'en sers à méditer, faire des puces, regarder des rediffusions de Taratata. Je me prépare à mourir, quoi. C'est la fin. Voilà, et c'est fantastique la mort de la sexualité. Si on ajoute à ça le temps que je gagne à ne plus être obligé de me doucher sur une base régulière, avec cette grosse extension de la zone de tolérance à la couille qui sent, je dis sale mécontent. De toute façon, à partir d'un certain âge, les femmes prennent trop le contrôle sur la sexualité. Pas vrai, Maréchal? Ah oui, ça c'est vrai. On est bien d'accord. Affirmatif. Au lit, les hommes sont humiliés, laminés, dévirilisé par les femmes expérimentées. J'en parlais encore avec Jean-Luc Lahaye récemment, qui m'expliquait comment lui il arrivait à contourner le problème. Mais oui, le cul, c'est un truc d'homme jusqu'à 30 ans, et après ça devient un truc de femme, quoi, pour le restant de la vie. Et c'est ce qui me fait dire, monsieur Guy, qu'une fois de plus, et avec une régularité qui force le respect, vous avez dit n'importe quoi. Avec Nagui.